Méditation pour une journée pleine d'énergie. Commencez par prendre une grande inspiration. Et expirez profondément. Vous venez, il y a peu, de quitter votre lit et le monde du sommeil. Vous avez rechargé vos batteries. Peu importe le nombre d'heures de sommeil, vous avez reposé votre corps et votre esprit. Le soleil s'est déjà levé ou se lèvera bientôt. C'est le signe d'une nouvelle aventure sur cette planète. D'une nouvelle journée. Une journée pleine d'expériences, de personnes, de discussions, d'odeurs, de ressentis, de saveurs, de couleurs, de textures. Une journée, vous allez voir et entendre de nombreuses choses nouvelles. Une journée que vous n'avez encore jamais vécue, jamais expérimentée. Une journée qui sera pleine de petites surprises. Comment souhaitez-vous vivre cette journée ? En quel état d'esprit souhaitez-vous commencer cette nouvelle aventure ? Vous réalisez à quel point la vie est riche de mille et une choses. C'est un immense terrain de jeu et d'expérience. Vous n'avez pas à en avoir peur. Vous pouvez vous y amuser. Vous pouvez expérimenter. Vous pouvez créer. Chaque jour est une opportunité de créer quelque chose de nouveau avec votre vie. Chaque jour est une opportunité de penser d'une façon différente et de laisser la vie vous surprendre. Vous continuez de respirer profondément et calmement. Vous sentez l'énergie qui circule dans votre corps. Le sang qui coule dans vos veines de façon régulière et fluide. Votre cœur qui bat à un rythme régulier. Vos poumons qui s'emplissent et se vident tout au long de la journée. Vous accueillez l'air frais dans vos poumons. Sentez comme vous êtes vivant et heureux d'être présent sur Terre aujourd'hui. Vous allez assister à la vie sur Terre, prendre part et participer à cette grande aventure. Aujourd'hui est un nouveau jour. Et vous êtes prêt à le vivre entièrement. Vous êtes plein d'énergie. Vous débordez d'énergie. Votre corps est plein d'énergie, mais votre esprit aussi. Vous débordez également de motivation. Vous êtes plein de joie. Votre cœur vibre et chante à l'idée de commencer cette nouvelle journée. Vous êtes plein de confiance, plein de sérénité. Confiance en vous, confiance en la vie, confiance en les autres. Il n'y a rien qui ne vous fait peur. Car vous savez que vous êtes prêt à vivre pleinement chaque expérience que la vie vous présente. Prenez un instant pour poser une intention pour la journée. Lorsque vous reviendrez à vous, vous serez en pleine forme pour toute cette belle et merveilleuse journée qui vous attend. Prenez à présent une grande inspiration et tranquillement, à votre rythme, vous reviendrez à vous en bougeant les doigts, puis en ouvrant les yeux. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt.